Ok. Elles étaient belles, douces, et j'en reste pas là. J'ai arraché une plume de colombe pour ces inséparables. Deux rayons de soleil dans la froideur moscovite. Étudiante exemplaire, ne crois pas que je cause trop vite. L'une est brune, l'autre a cette lourde frange. Voisine, sœur de cœur et toujours franche. Valia est russe, hein, et Dasha arménienne. C'est l'histoire de deux anges écrits entre larmes et haine. Des futurs symboles d'une réussite sociale. N'étant pas aisé, elles honorent le foyer familial. En dézoomant un peu dans la poudrière du Caucase, au Daghestan, Janet est une toute autre femme. Dans le fondamentalisme, ce que les médias veulent voir, elle s'est enfouie. Elle fait partie de ces veuves noires, adolescentes solitaires. Elle l'a fait par amour, illusionnée par cet émir à la vie, à la mort. Rêveuse, la mer fascine, mais géographiquement elles n'ont pas les mêmes racines. Il est 8h, nos deux amis dévoient l'escalator vers le métro, bien l'escale à la mort. Un retard va changer leur destin. Le festin de Janet va enfin se manifester. Elles n'ont rien entendu dans cette ambiance pesante. La veuve noire est remarquée, elle se montre présente. Des chairs humaines, triste fin pour ces chérubins et d'autres une belle aubaine. La guerre s'exporte du Caucase à la capitale. Une roulette russe qui se transforme en deuil national. Le 29 mars 2010 a marqué mes proches qui sont 6 milliards. Pour les vaincre, leur route est longue. Bonnie and Clyde, G.I.